Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, les nouvelles aventures de la fée Clochette. À la fin des beaux jours, Clochette se retrouve convoquée par la reine Clarion pour une mission de la plus haute importance. Réaliser un sceptre d'automne dont la vertu finale est de réalimenter les réserves du royaume en poussière de fée. Clochette, nous t'avons choisi pour créer le nouveau sceptre d'automne. Moi ? Et nous comptons sur toi, ma chérie. Je ne vous décevrai pas. D'après la légende, quand la lune bleue illumine une précieuse pierre de lune, son éclat révèle un pouvoir miraculeux. Mais quand la magie est menacée, Clochette part pour un monde fantastique. Bien au-delà de la vallée des fées. Un monde où vivent d'incroyables créatures. Nul ne peut franchir le pont secret des trolls. Du danger. Accroche-toi. Je recommencerai bien. Et des surprises. Qui c'est? C'est Flambeau. Walt Disney Pictures présente Clochette et la pierre de lune. Clochette et la pierre de lune, avec la voix française de Laurie, un DVD et Blu-ray Disney.